Les mots se terminant par ic, I-Q-U-E ou ic, I-C, deviennent ico, I-C-O ou ica, I-C-A au féminin. Il faut être vigilant avec eux, puisqu'ils défient la règle du son. C'est-à-dire que l'on n'insiste pas à l'oral sur l'avant-dernière syllabe, hein, comme on le fait normalement lorsque le mot se termine par une voyelle, S ou N. Ces mots portent donc en général un accent écrit sur la syllabe précédente, ico. Voici un exemple. Comment diriez-vous basique en espagnol? Básico. C'est básico et non basico, comme le suggère la règle du son. Donc, comme ce mot ne respecte pas la règle, il porte un accent écrit sur la syllabe sur laquelle on insiste à l'oral, c'est-à-dire sur le A. Les moines I, Q, U, E deviennent donc ico. Que devient magique alors? Bien sûr, mágico, avec un accent écrit sur le A, mágico. Notez aussi que pratique, qui est un mot bien utile, se dit práctico, avec un C au milieu. P, R, A accent aigu, C, T, I, C, O. Comment diriez-vous maintenant « il est patriotique » ? Bien, « es patriótico ». Dites-le de nouveau, s'il vous plaît. Es patriótico. Es patriótico. Je crois que vous avez compris l'astuce. Mágico, básico, práctico, patriótico. On insiste sur la syllabe précédente « ico ». En espagnol, assez se dit bastante. B-A-S-T-A-N-T-E. Comment diriez-vous alors? La situation économique et politique est assez chaotique. La situation économique et politique est bastante chaotique. Il y avait beaucoup de mots en ic dans cette phrase. La situation économique et politique est bastante chaotique. Chaotique s'écrit C-A au accent aigu T-I-C-A. Il n'y a pas de lettre muette comme en français. S'il y avait eu un H, on aurait dit chaotica. Le C et le H donnent le son ch. Dans tous les cas, pourvu que la situation s'améliore. Ojalá mejore. Ojalá. Hein? O-J-A-L accent aigu. Comme l'on dirait en espagnol. Dans « ojalá », il y a « Allah », hein, Dieu. Littéralement, ça veut dire « si Dieu veut » en arabe. Cette expression est l'héritage de la présence des Arabes qui sont restés pendant un peu plus de 7 siècles en Espagne. On les appelait « los moros », les morts. Mais ce mot est dépréciatif aujourd'hui. Mieux vaut ne pas l'employer. Voyons un autre exemple avec un mot se terminant par « ic ». Si « talent » se dit « talento », T-A-L-E-N-T-O à l'espagnol, comment diriez-vous « Carmen a beaucoup de talent artistique » ? Carmen tiene mucho talento artístico. Carmen tiene mucho talento artístico. Décidément, Carmen a beaucoup de vertus. Est-ce verdad, Carmen? C'est vrai, Carmen? Claro que sí, es verdad.